blockbuster Frédéric Sigrist. J'ai pensé à vous hier matin. Le réalisateur James Cameron était interviewé par Léa Salamé dans le 5-7 de France Inter. Vous deviez être aux anges, non? Ouais. 7-9, j'ai dit quoi? 5-7, non, 7-9 de France Inter. Ça vous a fait aucun effet? Bof. Bah, vous aimez pas James Cameron? Au contraire, j'adore James Cameron. Je vous mène un culte à James Cameron. Mais qui France Inter décide d'envoyer pour parler avec le réalisateur de Terminator, d'Aliens et d'Avatar? Léa Salamé. Alors j'ai absolument rien contre Léa, mais tout de même, est-ce que moi je vais interviewer Bruno Le Maire ou Éric Ciotti? Non. Est-ce que je vais donner la recette du hachis parmentier chez François-Régis Gaudry? Non. Je respecte le champ d'expertise de mes collaborateurs. Si je puis me permettre, Frédéric, vous n'êtes pas journaliste? Ça y est, tout de suite des arguments. Ah, on sent le corporatisme, hein. Je suis pas boulanger non plus, et pourtant pendant le confinement je faisais du pain. Ah, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit? Bim! Donc moi j'aurais pu lui poser des questions à James Cameron, parce que Léa, est-ce qu'elle a vu Piranha 2, Les Tueurs Volants, son premier film? Ah, c'est autre chose que DiCaprio qui fait des galipettes sur du Céline Dion dans Titanic, hein. Est-ce qu'elle s'est délectée de La Galaxie de la Terreur, produit par son mentor Roger Corman? Que nenni! Est-ce qu'elle a vu tous les épisodes de Dark Angel avec Jessica Alba? Bien sûr que non! C'est lui qui a fait cette série? Oui, c'est lui! C'est lui qui a produit! Ah mais j'avais tout vu, j'avais jamais su ça. Et ben voilà. Vous seriez pas jaloux tout de même, Frédéric? Bien sûr que si. Mais bon, je suis un professionnel, je ne laisse rien transparaître. Donc ce matin, avant que les cinémas la semaine prochaine ne soient submergés par la vague Avatar 2, je voudrais vous conseiller un authentique petit bijou d'animation qui est arrivé sur nos écrans mercredi dernier. Le Chapoté 2, la dernière quête. Le dernier film des studios DreamWorks. Oui Mathilde, un studio qui s'est toujours voulu être une alternative plus mature au studio Disney. On lui doit la franchise gentiment potache et irrévérencieux sur l'univers des contes de fées intitulée Shrek, le petit nom que vous me donnez tous hors antenne. Oui, fais pas semblant Clément, je t'ai entendu. Mais en termes de grande réussite, on lui doit surtout la trilogie Kung Fu Panda et les trois chefs-d'œuvre qu'ont été les films Dragon. Alors si vous avez des enfants, vous savez forcément de quel film je parle. Et si par je ne sais quel hasard, vous ne les avez jamais vus, mais vous avez de fort belles soirées de rattrapage devant vous. Si le Chapoté avait déjà eu droit à un film solo assez plaisant en 2011, qui racontait les origines de ce chat à l'accent espagnol, mélange de Zorro et de Han Solo, un chat doublé par Antonio Banderas en VO et tout aussi brillamment en VF par Boris Rélinger. Je suis le Chapoté. Incroyable, je suis chapoté. Il est magique. Mais là, avec ce numéro 2, Mathilde, on est sur un autre niveau. J'y suis allé avec trois enfants de 9, 13 et 14 ans, et le constat est unanime, c'est tout bonnement magnifique. Dans un mélange de techniques 2D et 3D, c'est des tableaux peints à la main dans des couleurs qui ravissent les yeux, qui semblent s'animer sous nos yeux. Certains passages du film rappellent Spider-Man Génération, Spider-Man Into the Spider-Verse en VO, autant dire ce qui s'est fait de mieux en matière de dessin animé ces dernières années. Et niveau histoire, le Chapoté 2, c'est une sorte de western crépusculaire, mais dans un univers de contes de fées. Impitoyable de Clint Eastwood au royaume de Boucle d'Or. Et ça marche! Dans cet opus, le Chapoté a épuisé ses 8 vies sur les 9 qu'ont traditionnellement les chats et Michel Drucker, et se pose désormais à lui la question, ou non, de sa retraite. C'est drôle, c'est bien amené, truffé de second rôle très réussi, notamment un petit chien toujours très optimiste nommé Perito, adepte de thérapie personnelle et de méditation. Perito, c'est Christophe André si c'était un chien. Bref, en cette fin d'année, DreamWorks nous a régalé avec ce Chapoté 2, et je sais que les audacieux qui vont encore au cinéma iront à coup sûr voir Avatar 2, mais si vous avez encore de la place et que vous aimez la vie, les couleurs et l'humour, tout simplement, ne manquez pas le Chapoté 2. Et qui sait, si le film marche, le Chapoté sera peut-être invité dans le 7-9. Ben moi je le veux bien, sinon à 6h20, ça me plaît bien ça. Je peux l'interviewer. Vous viendrez avec moi, promis Frédéric. Merci beaucoup pour ce blockbuster Frédéric Sigrist.